Je veux louer les chats. Plus caressant qu'un flot s'écoulant à la dune, qu'au long d'un toit moussu, un bleu rayon de lune, les chats voluptueux flairant l'odeur des mains et les bouquets fanés qui meurent sur les seins, je veux louer les chats aux prunelles languides, fluant à pas muets à travers l'herbe humide, savants dans l'art de jouir et qui vont dégustant les purs, l'arôme exquis des jasmins au printemps. Je veux louer les chats amoureux des nuances, des coussins japonais, des bergères d'antan, des tapis d'Orient à la molle effleurance, par qui le dur réel devient inexistant. Je veux louer les chats dont l'échine se ploie agilement au creux des édredons de soie, mais adorant surtout à l'égal d'un péché l'énervante tiédeur des genoux rapprochés. Je veux louer les chats qui de leurs angles fauves, dédaigneux des gazons, s'étalant en plein jour, pétrissant lentement à l'ombre de l'alcôve, l'oreiller langoureux que parfuma l'amour. Je veux louer les chats par-dessus tout artiste qui, lorsque nous dormons, aux lueurs d'améthyste, des soirs d'août s'en vont au bord des toits branlants, gémir de mal d'amour dans la nuit s'étoilant. Je veux louer les chats dont l'âme nous pénètre, fin comme les sorciers des anciens fabliaux, les chats posant leur front doux au front de leur maître, les chats meilleurs que nous, fidèles et loyaux.